moi je te l'envoie. Surtout ne l'ouvre pas, c'est le procès du roi. Toi le coupable, moi l'avocat, jugé parti loin de toi, dans l'ombre de ton château, je sombre dans ce cachot. On t'échappait du de ta vie, je borderai ton lit envers et contre toi, poussière, cadavre. Cadavre exquis, tombeau ouvert enfin, tombeau offert enfin, de corps quatre pieds sous terre, je dors, j'étreins la lumière. La lumière.